y'a de l'amour et de la zik. Pourquoi être triste? Je tripe sur la traque, m'attraque le beat, j'ai la trique. Je te traque, te kick, t'attaque, qu'est-ce que je risque? Pour foutre des grosses claques, j'ai toujours quelques rimes. Oulala, fous-moi là, tu trop Redman. Je me crois sérieux derrière une paire de Ray-Ban. Rien à foutre, je prends mon temps, gère mes bails. Fier comme un ancien combattant de ses médailles. J'étale mon talent comme de la peinture Montana. On dit que le monde est à nous, je crois bien qu'il m'incarna. Ou comme Earl, c'est qu'une question de karma. Et moi, comme un conjure, ma condition de Scarla. J'ai tant donné au rap, tout ça pour ça. Deux, trois tasses, écrit tous. C'est fou ça, à croire qu'y'a que ça qui les intéresse. Qu'on parle flingue et fesses pendant que nos zincs périssent. De quoi parle-t-il? J'ai flow qui parle optique. Au grand voix grand, tous ces MC parodiques. De quoi parle-t-il? De rue, de street art, street bam. J'ai fait chialer toutes ces petites frappes. De quoi parle-t-il? J'ai flow qui parle optique. Au grand voix grand, tous ces MC parodiques. De quoi parle-t-il? De rue, de street art, street bam. J'ai fait chialer toutes ces petites frappes. Les pieds sur terre, les corborées dans le ciel. Je veux de l'oseille sur la corde de raid toutes les semaines. Rien qu'on saigne, mes 16 pèses sans cara. Sans cala, je défends ma cause comme Masto Sankara. Les gens palables en argot ou en bambara. Je les renverse de rage comme ma sauce à Copantara. Tu vois le talent que j'ai, avale ta langue gerbe et repart allongé. Je compte pas t'arranger, j'ai pas le temps de jouer, faire concession. Grosse session freestyle qu'à pencher du côté sombre. Côté son, je me pose pas trop de questions. Rimeur de profession, j'envoie des grosses pressions. À présent, les gosses sont barbares à 13 ans. En prison, rêve du trésor, Barbara stressante. Incessante violence, mais pouvait-il vraiment faire autrement sans exemple positif? De quoi parle-t-il? J'ai flow qui parle optique. Au grand voix grand, tous ces MC parodiques. De quoi parle-t-il? De rue, de street art, clic bam. Je les ferai chialer toutes ces petites frappes. De quoi parle-t-il? J'ai flow qui parle optique. Au grand voix grand, tous ces MC parodiques. De quoi parle-t-il? De rue, de street art, clic bam. Je les ferai chialer toutes ces petites frappes. Qu'est-ce qui se passe? Tu te chies dessus, tes mains tremblent. T'es mainstream, j'suis trop street pour les moins de 30. Laisse-moi le trône de fer comme Jon Snow. Jette-moi le sroule et j'te jette au fond d'une geôle sombre. J'ai le son dans les veines du Rhum Saint-Simon. MC repart faire le fier au Saint-Simone. Où j'te coupe, te découpe, t'assassineux. J'suis ce bruit qu'on écoute avant que la foudre ça batte sur eux. Pas de surhomme, pas de super-héros. Juste quelques frérots qui aujourd'hui se tuent à l'héros. Anciens des halls qu'ont tout donné pour la Nemo. Bourré d'ego, mais pour s'exprimer, trouve plus les mots. C'est plus les mêmes, ça rôde comme Walking Dead. Les MC aussi en thug et cheap and dex. Quelques cibles en tête, je règle la mire et je tire. J'ai plus 10 ans mec, comprends que ça mine l'esprit.